un petit chien, vous n'avez d'abord pas osé. Comme un petit chien, vous avez ensuite hésité. Vous vous êtes enfin décidé, vous n'avez pas résisté. Vous vous êtes serré contre moi, vous vous êtes blotti dans mes bras. Vous vous êtes laissé embrasser, un petit peu embarrassé. Un petit chien aime les friandises, pour en avoir il ferait des bêtises. Mais quand une fille aime un garçon, pour le posséder elle perdrait la raison. Vous vous êtes offert mon petit cœur, vous vous je bégayais de plaisir. Vous vous ça me laisse tout rêveur, c'est déjà un souvenir. Chien, tu te couches sur mon lit, comme un petit chien, tu laisses aller la vie. Comme un petit chien, tu mets dans ma maison tout son dessus-dessous. Ces piles de vaisselle qui traînent sur l'évier, et là mes habits complètement froissés. Tu me souris, tu gagnes toujours comme ça, car tu sais que je ne résiste pas à ça, à ce baiser que tu me donnes, la la la la.